nostalgie. On se ressemblait, tu es arrivé, moi aussi. Nostalgie, je pense à elle, je l'appelle dans la nuit. Elle vivait là-bas, au pays du froid, où les vents souvent m'emportent en rêvant. Il neigeait l'hiver, il pleuvait du blé, elle était jolie. Nostalgie, nostalgie, on se ressemblait, c'est décembre, ton pays. Nostalgie, bisous ciganés. De l'oubli, elle avait envie de brûler sa vie sous un vrai printemps. Elle avait 20 ans, elle a pris la mer. Ver un ciel plus clair, mais laissant les gris. Nostalgie. Le ciel à la mer, c'était la folie. Nostalgie. Parfois sur la mer, quand la nuit est claire, son prénom prévit. Nostalgie. Nostalgie.